comme un crétin sur la 31 qui croit que la route lui appartient. Sur la voie de gauche, il roule comme un beauf avec son air 21. Et évidemment, il refuse d'avancer et impossible de doubler. Avec sa musique à fond et son tuning de Jackie, il commence à me gonfler. Encore un crétin sur une aire de repos, avec ses mioches il fait le beau. Encore un crétin qui connaît pas les poubelles, il dégueulasse tout sans problème. Un crétin, ça ne sert à rien. Un crétin sans un coup de poing. Un crétin qui vit pour être chiant. Un crétin qui ne sait qu'être con à longueur de temps. Encore un crétin dans la boîte du coin qui a débarqué pour draguer. Encore un crétin à moitié bourré qui est venu dégueuler dans mon café. Après il vient chercher les embrouilles en me disant que j'ai pas de couilles pour venir boire du café en pleine soirée. Un crétin, ça ne sert à rien. Un crétin, sans un coup de poing. Un crétin, qui vit pour être chiant. Un crétin, qui ne sait qu'être con à longueur de temps. Un crétin, ça ne sert à rien. Un crétin, sans un coup de poing. Un crétin qui vit pour être chiant. Un crétin qui ne sait qu'être con à longueur de temps.